cris de guerre, de frivolité de Jean Brumaire, lu pour LibriVox.org. Cris de guerre. Hurrah! Nous voici 300 000. Le plus fier et le plus habile, quel est-il qu'on le nomme roi? Mais pour prix de si grande gloire, qu'il réponde de la victoire ou qu'il meure selon la loi. Nous sommes prêts, tout nous entraîne, nos sabres vibrent dans leur gaine, retirons-les, il en est temps. Comme nos lames sont luisantes, ce soir elles seront sanglantes, victorieuses pour longtemps. Liberté, vois-tu dans la plaine ces guerriers, l'œil chargé de haine? Vois, ils sont prêts à mourir tous. Qui fera le plus de conquêtes et qui fendra le plus de têtes sera le premier parmi nous. Arrière les traîtres, arrière ceux qui n'ont pas l'humeur guerrière, ceux qui resteraient en chemin. Nous sommes 300 000 encore. L'impatience nous dévore, heureux ceux qui vivront demain. Poussons-le tous ce cri de rage que nous taisions dans l'esclavage, mais que nous répétons plus fort. Mort aux tyrans! Brisons nos chaînes, faisons des victimes humaines, et pour vivre, semons la mort. Hurrah, hurrah, mort et vengeance! C'est notre ennemi qui s'avance. Hurrah, marchons, c'est l'avenir. Liberté, demain, fils des braves, vos fils ne seront plus esclaves. Brisons nos fers, vaincre ou mourir. Fin de Cris de guerre, lu par Ezois, en Belgique, en février 2009. Cet enregistrement fait partie du domaine public.